إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله متخشف خيسر. Aujourd'hui, le jeudi 28 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 21 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble notre lecture du livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. Et nous avons parlé dans le cours précédent de deux batailles importantes qui se sont suivies, la bataille des tranchées. Et on a vu que c'est la dernière fois que le kuffar vont attaquer les muslimines. Et directement après la fin de cette bataille, et à cause de la grande trahison des Banu Qurayza, qui se sont alliés aux coalisés, et qui se sont joints aux coalisés afin de mettre fin à l'islam et les musulmans, et sous la pression, comme on a vu, de certains dignitaires parmi les juifs de Banu Nadir qui ont été bannis auparavant, après la bataille de Uhud, et après leur trahison également. Donc, avec le bannissement, avec ce qui est arrivé aux juifs de Banu Qurayza, c'est la troisième et dernière tribu juive de l'Médina qui a trahi à chaque fois dans des batailles importantes, et ça démontre la haine que ces gens ont pour l'islam et les musulmans, et que si jamais ils signent des pactes avec les musulmans, c'est temporaire, et ils sont toujours dans l'attente de l'occasion et du moment opportun pour trahir les musulmans et comploter contre eux. Mais alhamdoulillah, ils n'ont jamais réussi ce qu'ils visaient, ils n'ont jamais réussi leurs objectifs, et ça sera toujours valable tant que les musulmans sont attachés au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Tant que les musulmans sont attachés à leur religion dans son authenticité, aucun ennemi, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quel que soit tout ce que tu veux, ne pourra jamais nuire aux musulmans dans leur religion. Ils peuvent leur faire du mal, comme ce qu'on a vu dans les différentes batailles, mais à chaque fois, c'est un bien pour le musulman. Et l'affaire du croyant qui s'attache au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, elle est toujours ainsi. Tout ce qui lui arrive, c'est un bien pour lui. Et c'est pour ça une parole des savants qui est très forte dans son sens. Les musulmans ne sont jamais vaincus à cause de la force et de la supériorité de leur ennemi. Mais les musulmans sont vaincus quand Allah les abandonne. Quand Allah les abandonne. Et quand est-ce qu'Allah Azzawajal abandonne les croyants? À cause des péchés et des désobéissances et de l'éloignement de leur religion. Donc celui qui veut réformer la Ummah et rendre à la Ummah sa gloire et sa puissance, il n'y a qu'une seule voie. C'est l'aider à revenir vers l'islam authentique. Et pas l'islam de Sofia, l'islam de Tablir, l'islam de l'Ikhwan, l'islam politique, l'islam des massacres et des crimes de Daesh et de l'Qaïda. C'est pas ça l'islam avec lequel Allah nous donnera la victoire et la puissance. L'islam, c'est l'islam qui est visé ici, c'est l'islam sur lequel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons radiyallahu anhum. Donc tous, on doit faire l'effort de revenir vers cet islam, dans sa pureté, dans son authenticité, cet islam qui est purifié de toute forme d'associationnisme, mineur et majeur, apparent et caché, cet islam qui est purifié également de toute forme d'innovation et d'hérésie dans la religion. L'islam dans lequel il y a at-tawhid pur et la sunna authentique. Comme l'islam qui était pratiqué par sahaba radiyallahu anhum. C'est celui-là avec lequel Allah Azza wa Jalla nous donnera la victoire. Et il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des mauvaises interprétations et des choses qui sont liées à la nature humaine. Mais du moment que les bases et les fondements sont bonnes et la compréhension de l'islam que nous avons est bonne, le reste est facile. Donc les musulmans ne sont pas vaincus à cause de la force et la supériorité de leurs ennemis. Mais les musulmans sont vaincus à cause de l'abandon et du délaissement d'Allah. Et Allah, il te délaisse quand tu délaisses sa religion. Comme a dit Hassan al-Basri, rahimahullah. Hana Allahu fi qulubihim, fahanu alayhi. Allah n'avait plus de valeur dans leur cœur, ou une faible estime dans leur cœur, une faible valeur dans leur cœur, et eux aussi, n'avaient plus de valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a abandonnés. Qu'Allah nous permette cela à nous-mêmes. Et le muslim, il doit commencer par réformer sa propre personne déjà. Et ensuite, il passe aux membres de sa famille. À commencer par son épouse, ses enfants. Et il ne cesse d'élargir ce cercle jusqu'à englober toute la Ummah. Et ça, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, tu vois pas les résultats tout de suite. Tu vois pas les résultats tout de suite. C'est un travail sur le long terme. Mais Inch'Allah, même si tu vois pas les résultats pendant ton vivant, tu les retrouveras auprès d'Allah. Et regarde les exemples des imams de la sunna, tels que Cheikh l'Islam Taymiyyah, tels que Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab. Malgré que Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, c'est un peu différent. Il a vu l'acceptation de sa da'wah pendant son vivant. Mais quand tu regardes Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, il n'a pas vu ça. Mais regarde aujourd'hui. Il n'y a pas un salafi sur terre sans qu'il soit redevable à cet imam dans sa aqida et dans la connaissance de la voie des pieux prédécesseurs. Lui ainsi que son élève, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et ses autres élèves, et leurs chouyouks également, parmi les grands imams de la sunna. Donc nous avons parlé de ces deux batailles, de Al-Khandaq, les tranchées, et Bani Qurayda. Et on a vu comment ça s'est passé, et que Nabi alayhi salam les a assiégés pendant 25 jours. Ils ont fini par se soumettre et par céder. Et ils étaient jugés par Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Et leurs combattants ont été tués, et leurs enfants et leurs épouses et leurs biens ont été pris comme des butins de guerre et répartis entre ceux qui ont participé dans cette bataille. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a parlé d'une autre expédition qui a été dirigée par Abdullah ibn Atik, radiallahu anhu. Et cette expédition a été envoyée pour tuer un des plus grands ennemis de Nabi alayhi salatu wassalam parmi les juifs, un homme qui s'appelle Salam ibn Abi al-Huqayq. Sa kunya c'est Abu Rafi'. C'est un des dignitaires et des notables de Banu al-Nadir, un des plus grands commerçants de toute la péninsule arabique. Et cet homme, si vous vous rappelez, dans la bataille des coalisés, c'était un des plus grands éléments qui ont remonté Kuffar Quraysh contre le prophète alayhi salam et ses compagnons. Et ils leur ont promis beaucoup d'argent et de biens si jamais ils mènent cette bataille contre les musulmans afin de mettre fin à l'islam. Et ils leur ont promis également de participer avec eux. Donc lui et Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya, la mère des croyants, radiallahu anha. Donc ces deux hommes, ils avaient un rôle très important. Et on a vu que leur semblable parmi les juifs qui s'appelle également Ka'b ibn al-Ashraf, celui-là a été tué par une expédition dirigée par Muhammad ibn Maslama radiallahu anhu, bien avant. Et Ka'b ibn al-Ashraf, en plus de faire beaucoup de mal au prophète alayhi salam, c'était un grand poète et il faisait beaucoup de poésie dans lesquelles il disait beaucoup de mal du prophète alayhi salam et également il décrivait les femmes des musulmines et des croyants et décrivait leur beauté. Donc c'est venu le tour de Salam ibn Abi al-Huqayq et le Nabi alayhi salam a choisi, dans cette expédition, il a choisi Abdullah ibn Atik, radiallahu anhu. Directement après avoir fini avec la bataille de Bani Qurayza, qui a eu lieu dans la moitié à peu près du mois de Dhul-Qa'da. Après la bataille de Bani Qurayza, peu de temps après, le Nabi alayhi salam a désigné ces hommes qui sont sortis la nuit du lundi à l'approche de l'aube et c'était le 4 Dhul-Hijjah. Le 4 Dhul-Hijjah. Ils sont sortis pour se rendre là où habitait cet homme. Il y a une divergence entre l'endroit où il habitait. La plupart des savants disent qu'il avait un bastion et une forteresse, un grand château à lui seul dans la ville de Khaybar. Et d'autres, ils disent c'est dans la péninsule arabique. En tout cas, le Nabi alayhi salam a désigné ses compagnons, radiallahu anhum, qui font partie de l'Khazraj. Car l'Khazraj, la deuxième tribu de l'Madina, et la première, c'est l'Aous. L'Aous, c'est eux qui avaient tué Ka'b ibn al-Ashraf. C'est eux qui avaient tué Ka'b ibn al-Ashraf. À leur tête, Muhammad ibn Maslama, radiallahu anhu. Et le Khazraj, ils voulaient aussi égaler leurs frères parmi l'Aous dans la récompense en tuant un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, tout ça, c'est avec l'ordre et le commandement du gouverneur muslim qui est le prophète alayhi salatu wassalam à cette époque. Et ça, c'est pas des choses qui se font de manière individuelle, des groupuscules qui planifient des choses comme ça. Ça, c'est pas autorisé dans l'islam. Ça, c'est le gouverneur muslim qui met en place ces choses-là. Car le Khawarij et certains égarés dans l'Aqida, ils prennent ces événements comme dalil pour légiférer les assassinats et les choses comme ça. Et ça, c'est faux. Ça, ici, c'est des grands ennemis de l'islam qui combattent l'islam avec tous les moyens, avec toutes leurs forces, et à qui la da'wa de l'islam est arrivée. Ça, c'est aussi un élément important. À qui la da'wa de l'islam est arrivée, ils l'ont refusée. Et ils continuent à faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces expéditions ont été réalisées. Donc son copain Huyay ibn Akhtab, presque la troisième grande personnalité des Juifs, avec Ka'b ibn al-Ashraf et Salam ibn Abi al-Huqayq, Huyay ibn Akhtab à son tour, il a été tué avec ceux qui ont été tués dans Banu Qurayda, car il est entré avec eux dans leur bastion comme il leur avait prévu avant. C'est lui qui les a remontés et qui les a incités fortement. Il a mis une grande pression pour qu'ils interrompent et qu'ils rompent le pacte qu'ils avaient avec les musulmans Et il a réussi finalement. Donc il a été tué avec eux. Il restait ce Salam ibn Abi al-Huqayq. Et ils ont demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit l'imam ibn Kathir, il leur a autorisé. Et ils sont sortis la nuit du lundi 4 Dhul-Hijjah à l'approche de l'aube. Et ils ont passé 10 jours pour mener à bien cette mission et pour accomplir cette mission comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé. Donc du jour de leur sortie jusqu'à leur retour, ils ont mis 10 jours. Et tous les hommes qui ont été choisis, et c'est des hommes de Banu Salima, de Khazraj. À leur tête, Abdullah ibn Atik, radiyallahu anhu. Et il y avait parmi eux Abdullah ibn Unais également, et Abu Qatada, Al-Harith ibn Rib'i, et Mas'ud ibn Sinan, et Khuza'i ibn Aswad, qui est un allié au Khazraj. Et ils sont partis jusqu'à arriver au château de Salam ibn Abi al-Huqayq, qui se trouve à Khaybar. Donc ça, c'est la vie de l'imam ibn Kathir, rahimahullah. Et ils sont restés à côté de son château jusqu'à la nuit. Et l'imam ibn Kathir, rahimahullah, il dit, ensuite ils l'ont tué et ils sont repartis à Médine. Et il a dit, et tous ils ont, ils pensaient que c'était eux qui l'ont tué. Et quand ils sont revenus, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de leur montrer leurs épées. Et il a vu que celui qui l'avait tué, c'était Abdullah ibn Unais, radiyallahu anhu. Et l'imam ibn Kathir, rahimahullah, a dit que Abdullah ibn Unais, quand il l'avait tué, il avait mis sur lui la pointe de son épée, et il s'est mis sur le poignet de son épée, jusqu'à ce que son épée est entrée, l'a traversée entièrement. Et jusqu'à ce qu'il a entendu le bruit de ses os. Yani l'os qui a craqué. Et là, le grand ennemi d'Allah, Salam ibn Abi al-Huqayq, il disait, ça me suffit. Yani il a été tué ainsi. Mais, ce que l'imam ibn Kathir ici a rapporté, c'est pas ça qui s'est passé exactement. Donc l'histoire, dans sa globalité, dans ses grandes lignes, c'est comme il a rapporté. Mais ce qui est cité dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, c'est pas Abdullah ibn Unais qui l'a tué. Mais celui qui l'a tué, c'est l'émir. Abdullah ibn Unais a participé dans cette expédition. Mais celui qui l'a tué, c'est un seul homme. Parce que c'est le seul homme qui est entré dans le château. C'est Abdullah ibn Atik, radiyallahu anhu. Ce grand compagnon. Parmi al-Khazraj. Des Banu Salima. Donc rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une expédition à Abu Rafi', c'est Salam ibn Abi al-Huqayq. Et ils sont partis de nuit et ils l'ont tué pendant qu'il dormait. Donc ça, c'est la première version. Une deuxième narration de ce hadith, également dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon al-Bara ibn Azib radiallahu anhu. Et celle-là, il y a beaucoup de détails, et on va les voir tous pour l'importance. Pour leur importance. Donc, le Nabi alayhi salam a envoyé des hommes parmi l'Ansar. Et on a vu que ce sont des hommes parmi al-Khazraj. Et à leur tête, il y avait Abdullah ibn Atik, radiallahu anhu. Et Abu Rafi' sallam ibn Abi al-Huqayq, il faisait beaucoup de mal au messager d'Allah alayhi salam. Et il aidait même ses ennemis contre lui. Et comme on a vu, c'était lui, parmi les plus grandes causes de la bataille des coalisés. C'est lui qui a rassemblé les coalisés. Et comme c'était un homme extrêmement riche, c'était quasiment le plus grand commerçant de toute la péninsule arabique. Yani, il pouvait payer beaucoup pour cela. Et ils sont partis jusqu'à ce qu'ils se sont approchés de sa forteresse qui se trouvait dans la péninsule arabique. Vous voyez que dans cette version, dans le Bukhari, il n'y a pas précisé que c'est à Khaybar. Mais dans la péninsule arabique, et Khaybar, elle est dans la péninsule arabique. Quand ils se sont approchés de lui, de sa forteresse, ils sont arrivés au moment du coucher du soleil. Et à ce moment-là, Salam ibn Abi al-Huqayq, bien évidemment, c'est un grand commerçant, donc il a beaucoup de gens qui travaillent pour lui. Et c'était le moment de retour de tous ces bergers qui faisaient sortir ces bétails vers les pâturages et ils les ramenaient le soir au coucher du soleil. Subhanallah, dans les campagnes, c'est encore comme ça aujourd'hui. Et Abdullah ibn Atik, il a dit à ses compagnons, qui étaient avec lui dans cette expédition, il leur a dit, restez à vos places et attendez-moi. Et il est parti dans une discrétion totale jusqu'à ce qu'il s'est approché de la porte de la forteresse. Il y a une demeure fortifiée, protégée. Et il s'est couvert avec son vêtement, il a couvert son visage, il a fait comme s'il faisait ses besoins. Et ceux qui étaient de retour avec le bétail sont entrés. À ce moment-là, le portier l'a appelé. Il lui a dit, « Ya Abdullah, entre, parce que je vais fermer. » Donc il l'a appelé, « Ya Abdullah, c'est pas, il connaissait son nom, parce que lui, il était couvert. » Mais c'est Abdullah, tous on est les Abdullah, on est des Abdullah. Dans ce sens-là. On est des serviteurs d'Allah. Et il a pensé qu'il était avec les bergers. Et qu'il était faire ses besoins. Il lui a dit de se précipiter parce qu'il va fermer la porte. Et il a profité de l'occasion, il est entré. Et dès qu'il est entré, il s'est caché à un endroit. Et c'est rapporté qu'il s'est caché dans l'endroit où ils attachaient l'âne. Et quand le portier est entré, il a fermé les portes, il les a accrochées à un endroit que Abdullah ibn Atik a vu, bien évidemment, radiallahu anhu. Et dès qu'il est parti, le portier, Abdullah ibn Atik est parti, il a pris les clés de la porte et il a ouvert la porte de la forteresse. Et Abu Rafi' sallam ibn Abi al-Huqayq, il avait l'habitude de veiller la nuit avec ses copains. C'est un homme très riche, chaque jour, chaque soirée, il y a des gens qui viennent chez lui, passent avec lui la soirée, comme il l'a passé. Il veillait les soirées comme ça. Et Abdullah ibn Salam ibn Abi al-Huqayq, il était dans un endroit très très haut de sa forteresse. Subhanallah, ils sont dans une forteresse et en plus, ils doivent, se placer le plus haut possible. Et malgré tout ça, ils se sentiront jamais en sécurité. La sécurité, c'est avec Tawhid. Et la pratique à la perfection du Tawhid. Donc, il était à un endroit dans lequel il était avec ses amis, où il veillait la nuit, vers laquelle on montait avec un escalier. Et quand ses amis sont tous partis, il est resté seul. Abdullah ibn Atik a dit qu'il est monté là où il était. Et pour monter à cet endroit, il y a beaucoup de portes. Il n'a pas cité le nombre. Mais à chaque fois, il ouvre une porte, il la ferme de l'intérieur. Il ouvre une autre porte, il la ferme de l'intérieur. Et il a fait de cette manière, là, même combien de portes il devait y avoir. Une dizaine de portes pour arriver à cet homme. Et à chaque fois, il ouvre la porte et il la ferme de l'intérieur à clé. Comme ça, personne ne peut entrer de l'extérieur. Subhanallah. Regardez comment ils sont, ces compagnons, radiallahu anhum. Parce que lui, son objectif, c'est de tuer cet homme et de mener à bien la mission par laquelle il a été chargé par le prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, il se peut qu'il se rende compte qu'il est à l'intérieur et qu'il vient le chercher. Donc, personne ne pourra le suivre. Mais une fois qu'il aura accompli sa mission, s'il vient, il le tue, c'est pas grave. C'est ça le sens. Et il est monté ainsi, en fermant toutes les portes derrière lui, jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'endroit dans lequel il y avait Abu Rafi', ce juif. Et là, yani, il faisait nuit. Ils avaient éteint toutes les lumières et ils ne voyaient personne. Et il n'était pas seul, il était lui, ainsi que les membres de sa famille. Et il l'a appelé. Il a fait une ruse, et sachez que Abdullah ibn Atik, c'est un compagnon, un Médinois, parmi le Khazraj, qui savait parler l'hébreu. Donc il l'a appelé, il lui a dit, Abu Rafi'. Abu Rafi' a répondu, il a dit, c'est qui? Et c'est rapporté dans d'autres versions que avant d'arriver à lui, sa femme, il a toqué, il y avait une porte qui était fermée. Il a toqué et sa femme lui a ouvert. Elle lui a dit, c'est qui? Il lui a dit, je suis venu avec un cadeau pour Abu Rafi'. Et elle a ouvert la porte. Elle croyait que c'était un de ses amis. Et elle a ouvert la porte, il est monté jusqu'à ce qu'il est arrivé à lui. Et il l'a appelé, il lui a dit, Abu Rafi', parce qu'il ne le voyait pas de nuit. Il faisait noir. Il a dit oui, Abu Rafi' a répondu. Il a dit c'est qui? Et il s'est approché de lui. Il a su d'où venait la voix. Et il s'est approché de lui. Il l'a frappé avec son épée. Il l'a frappé, yani, pas comme il voulait. Et c'est pour ça qu'il l'a pas tué avec ce coup-là. Et quand il l'a frappé, il a crié. Abu Rafi' a crié. Quand il a crié, Abdullah ibn Atik est sorti de cette pièce, il est resté à côté. Il est resté un moment, et après il est revenu. Il est revenu, il a dit, c'est quoi cette voix, oh Abu Rafi', qu'est-ce qui se passe? Et il a changé sa voix. Subhanallah. Il a changé sa voix. Il a parlé avec une voix différente de la première voix. Et Abu Rafi' a cru que c'était un de ceux qui travaillaient pour lui. Hada, il doit avoir tellement de gens qui travaillent pour lui qu'il connaît même pas, il distingue même pas leur voix. Il a cru que c'était quelqu'un qui travaillait pour lui. Il lui a dit, malheur à toi. Il y a un homme qui est venu qui m'a frappé avec une épée. Et là, Abdullah ibn Atik radiallahu anhu a repéré exactement où il était et il est parti vers lui et il l'a tué. Et quand il l'a tué, il a pris son épée et il a pris la pointe, il l'a mis sur lui et il s'est mis sur son épée jusqu'à ce qu'il l'ait planté entièrement en lui. Et c'est là où il a entendu le craquement de ses os. L'os a craqué. Et là, il a été sûr qu'il l'a tué. Et ensuite, en voulant sortir, sa femme est venue. Elle est venue vers Abdullah ibn Atik radiallahu anhu. Et il voulait la frapper avec l'épée, la tuer, mais il s'est rappelé le conseil du prophète, alayhi salam, c'est qu'on ne tue pas les femmes dans les guerres. Et ça, c'est une guerre, yani. Ça, c'est un grand ennemi qui combat l'islam. Mais, dans les guerres, on ne tue pas les femmes et les enfants, et les personnes âgées, et également les adorateurs, ou hachi, yani, comme c'est rapporté dans les textes. Et il ne l'a pas tué, et il est parti. Et il a commencé à nouveau à ouvrir les portes et sortir avec une vitesse. Et subhanallah, il a dit, quand il descendait l'escalier, ce grand escalier, quand il est arrivé vers la fin de l'escalier, à un moment, il a cru qu'il a posé son pied sur la marche, mais c'était pas sur la marche, c'était entre les deux, et il est tombé. Et Abdullah ibn Atik, radiallahu anhu, c'est un homme qui avait une vue un peu faible, Regardez un homme, on peut dire, comme il est rapporté comme ça, malvoyant, radiallahu anhu. Et regardez, il accomplit une mission comme ça, il rentre, il ne s'en soucie guère de ce qui va lui arriver. Ce qui compte pour lui, c'est d'accomplir la mission. Et il est tombé au point où sa jambe s'est cassée. Il s'est cassé la jambe, radiyallahu anhu. Et il s'est cassé la jambe, il a pleuré, il a appelé au secours. Non, il a pris son turban, il l'a mis sur sa jambe, il a continué son chemin. Radiyallahu anhu. Et malgré tout ça, tout ce qui s'est passé, il a réussi à s'en sortir et il est resté à côté. Il n'a pas voulu quitter. Il a dit, je vais rester jusqu'à me rassurer que cet homme a bien été tué. Et effectivement, il est resté jusqu'à l'approche du lever du l'aube. Et il a entendu, il disait, les gens criaient, Abu Rafi' a été tué. Abu Rafi' a été tué. Et il disait, le grand commerçant de la péninsule arabique a été tué. Et il est reparti vers ses compagnons qu'il a laissés à l'écart. Vous voyez qu'il a fait cette mission à lui seul. Il est parti vers eux, il leur a dit, alors partez en vitesse et annoncez la bonne nouvelle au prophète. Et lui, il a pris son temps pour rentrer à Médine. Ils sont arrivés avant lui, ils ont informé le Nabi alayhi sallam et ils ont annoncé cette bonne nouvelle. Et quand il est arrivé à Médine, le Nabi alayhi sallam lui a dit, allonge ta jambe. Il a allongé la jambe et le Nabi alayhi sallam a passé la main par-dessus et c'est comme s'il avait aucune douleur ni rien au niveau de la jambe. Radiallahu anhu. Ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, dans les détails, dans tous les détails que je vous ai cités, et j'ai cité tout le hadith du début jusqu'à la fin. Et c'est un seul hadith. Vous voyez que c'est un long hadith. Ensuite, après cette expédition de Abdullah ibn Atik, dans laquelle a été tué ce grand ennemi d'Allah, Salam ibn Abi al-Huqayq, dans le début de l'année 6 de l'Hégire, Nabi alayhi salam a envoyé ses compagnons, 6 mois à peu près après la bataille de Quraïda. Il est sorti lui-même dans une bataille qui s'appelle la bataille de Bani Lihyan. Les Banu Lihyan, c'est ceux qui ont tué les 10 compagnons. Ils sont venus, ils ont demandé des compagnons pour leur enseigner l'islam, et quand ils sont arrivés là-bas, ils voulaient les prendre en otage tous et les vendre à Quraysh, car ils proposaient des prix importants pour chaque musulman qu'on ramène pour eux. Et cette tribu qui avait fait cette trahison, c'était les Banu Hudayl. Yani, la tribu de Banu Lihyan également. Yani, Banu Lihyan, c'est, un far'a. J'ai oublié maintenant comment on appelle far'a. Mais en tout cas, c'est une partie de la grande tribu de Banu Hudayl. Donc c'est pour ça, vous pouvez lire Banu Hudayl comme vous pouvez lire Banu Lihyan. Les deux sont justes. Banu Lihyan, c'est plus spécifique à ceux qui ont trahi, et Banu Hudayl, c'est la grande tribu. Donc, dans l'année 6, le Nabi alayhi salam est sorti pour venger ses compagnons qui ont été tués dans l'expédition de Rajir, les 10, comme on a vu. Et parmi eux, il y avait Khubayb, ibn Khubayb, radiallahu anhu, et il y avait Zayd ibn Dafinna, radiallahu anhu, les deux qui ont été vendus vivants à Quraysh et qui ont été tués à Mecca, en dehors de l'Haram. Soi-disant, Kuffar Quraysh, ils voulaient pas salir l'Haram avec le sang de ces hommes. Et les autres, ils étaient tués avant. Parce qu'ils ont résisté, ils les ont tués avant. Le Nabi alayhi salam est sorti pour venger ses compagnons. Et vous avez vu qu'il les a pas vengés tout de suite. Il a attendu le moment propice et opportun. Et là, après la victoire de décoalisé, et après la bataille de Bani Quraïda, plus personne ne va plus oser attaquer les musulmans. Donc le Nabi alayhi salam maintenant, l'état des musulmans représente une grande puissance maintenant. Ils peuvent sortir avec un nombre suffisant d'hommes et de combattants et laisser derrière eux suffisamment d'hommes également pour protéger le Madina pendant leur absence. Et il est sorti jusqu'à arriver à cet endroit-là, qui s'appelle Ghuran, entre Amaj et Usfan. Et il a trouvé que les Banu Lihyan se sont protégés dans les montagnes. Ils se sont protégés dans les montagnes. Et ils n'ont pas pu, ils ont pris la fuite, ils se sont protégés dans les montagnes. Et ensuite, Nabi alayhi salam, il les a laissés, et il est parti avec 200 hommes, 200 cavaliers, jusqu'à Usfan. Et il a envoyé deux cavaliers parmi ces 200, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Qura'ul Ghabin. Et il n'y a pas eu de bataille entre les musulmans et leurs ennemis, et c'est pendant cette bataille qu'a été légiférée pour la première fois la prière de la peur. La prière de la peur a été légiférée pour la première fois ici, à Usfan, comme ceci a été rapporté par le compagnon Abu Ayyash Az-Zuraqi, radiyallahu anhu, dans un hadith authentique. Ensuite, Nabi Isa Salam est sorti dans une nouvelle bataille qui s'est fait appeler la bataille de Dhi Qarad. Après son retour à Médine de Usfan, quelques nuits après son retour à Médine de Usfan, un homme qui s'appelle Uyayna ibn Hisn, qui fait partie des Banu Ghatafan. Banu Ghatafan, la grande tribu qui a aidé Quraysh dans la bataille des coalisés et qui a été vaincue également. Donc, Uyayna ibn Hisn a envoyé des hommes et ils ont attaqué le bétail des musulmans et ils ont tué le berger et ils ont pris les chameaux. Ils ont pris les chameaux. Et le berger qui a été tué, c'est un homme de Banu Rifar, d'une tribu qui s'appelle Rifar, la même tribu de Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu. Et ils ont pris en plus sa femme. Ils ont pris la femme de ce berger. Et ils ont tué le berger, et ils ont pris les chameaux. Le premier qui a su ce qu'ils avaient fait, c'est le grand compagnon Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu. Salama ibn Amr ibn al-Akwa' al-Aslami radiyallahu anhu. Et cet homme, subhanallah, ce compagnon, il avait une particularité, c'est que c'était un très très grand coureur. C'était un très grand coureur. Et subhanallah, ils disent de lui qu'il pouvait même dépasser le cheval dans une course. En tout cas, c'était un très grand coureur, radiyallahu anhu. Il courait très très vite. Et personne ne l'a jamais vaincu dans une course. Il arrivait toujours le premier. Et quand il a su ce qu'ils avaient fait, il est parti derrière eux, à pied. Et il les a atteints à pied, il a sorti ses flèches, il a commencé à les lancer. En disant, Ana ibn al-Akwa' واليوم يوم الرضع. أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. Il disait, je suis le fils de l'Akwa, le nom de son père, et aujourd'hui c'est le jour يعني des traîtres. C'est le jour des traîtres. يعني la trahison qu'ils ont fait ces hommes, ils ont tué ce berger, ils ont pris sa femme, et ils ont volé le bétail des musulmans. Et ainsi, à lui seul, subhanallah, il a réussi à récupérer la majorité du bétail qu'ils avaient volé. La majorité du bétail qu'ils avaient volé. Et ça, c'est rapporté dans les deux authentiques, le Bukhari et Muslim. Et quand le bruit est arrivé à Médine et que le Nabi alayhi salam a su ce qu'avait fait Uyayn ibn Hisn, il est sorti dans un groupe de cavaliers jusqu'à ce qu'ils ont atteint Salam ibn al-Akwa' radiyallahu anhu, et ils ont trouvé qu'il avait récupéré les chameaux. Et le Nabi alayhi salam est arrivé jusqu'à un endroit qui s'appelle Dhu-Qarad. Dhu-Qarad, c'est pour ça que ça s'appelle la bataille de Dhu-Qarad. Et à cet endroit, le Nabi alayhi salam a ordonné à ce qu'on tue un chameau, et ils l'ont mangé, ils ont passé leur nuit ici. Et l'armée s'est nourrie cette nuit-là de ce chameau. Et ensuite, ils sont repartis à Médine. Et dans cette bataille a été tué Al-Akhram, qui s'appelle Mihriz ibn Nadlah, radiyallahu anhu. Il a été tué par Abdurrahman ibn Uyayna. Il a été tué par Abdurrahman ibn Uyayna, il l'a tué, il a pris son cheval. Et ensuite, Abdurrahman ibn Uyayna, qui a tué Mihriz radiyallahu anhu, il a été suivi par Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu. Il l'a tué, il a récupéré le cheval. Et ce cheval appartenait à Mahmoud ibn Maslama. Et ensuite, la femme qui a été prise en otage et prisonnière quand ils ont tué son mari est revenue avec la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam. Allah l'a sauvée et elle a trouvé le chameau du prophète alayhi salatu wassalam, elle est revenue avec. Et Allah l'a sauvée de cette manière. Et comme Allah azzajal l'a sauvée, elle a fait un vœu qu'une fois arrivée à Médine, qu'elle allait sacrifier pour Allah cette chamelle. Elle a fait un vœu de sacrifier la chamelle du prophète alayhi salam, parce que Allah azza wa jalla l'a sauvée avec la chamelle du prophète alayhi salam. Ça s'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Et quand le Nabi alayhi salam a appris ça, il lui a dit, tu l'as très très mal rétribué. Allah t'a sauvé avec et tu veux la tuer? Et en plus, tu ne peux pas faire un vœu avec une chose que tu ne possèdes pas. Je peux pas dire, si Allah me donne ça, je donnerai fi sabilillah la voiture de mon voisin. Tu donnes ta voiture, mais la voiture du voisin est ce que tu ne possèdes pas. Yani, tu peux pas le donner fi sabilillah. Comme on ne peut pas faire un vœu dans une désobéissance. Quelqu'un, il dit, je fais un vœu pour Allah que je ne parlerai pas aujourd'hui toute la journée. Ça, c'est une ma'siyah. Et tu dois pas respecter ce vœu. Et tu dois payer une expiation. L'imam Muslim a rapporté dans son authentique, selon Salam ibn al-Akwa' radiyallahu anhu, par rapport à cette histoire, il a dit, et on est revenu à Médine, et on est resté 3 nuits à Médine, ensuite on est sorti pour la bataille de Khaybar. Et l'imam Ibn Kathir dit, Wallahu A'lam, c'est ça qui est authentique. C'est que la bataille de Khaybar a eu lieu à ce moment-là, il y a peu de temps après ça. Et comme on va voir, la bataille de Khaybar a eu lieu dans l'année 7 de l'Hégire. Il y a aussi une autre histoire qui a eu lieu après Banu Qurayza et avant la grande bataille de Banu al-Mustaliq, qu'on va voir tout à l'heure, Inch'Allah. Il y a une histoire, l'imam Ibn Kathir ne l'a pas citée, mais je vous la cite, là, c'est une histoire très connue, et la plupart des savants la citent. C'est l'histoire de ces hommes de Urayna, qu'on appelle Uraniyin. Ils étaient 8, ils sont venus à Médine, et ils ont montré l'acceptation de l'islam, et ils sont restés un moment à Médine, tout en montrant l'acceptation de l'islam. Et ensuite, ils se sont plaints au messager d'Allah, alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, l'air de Médine ne nous convient pas. Et on est tombés tous malades. On est devenus très très malades. Nabi, alayhi wa sallam, leur a dit, qu'est-ce qui vous empêche de sortir avec nos chameaux quand ils sortent dans les pâturages et d'accompagner les bergers et de boire de l'urine de ces chameaux et de leur lait, et vous allez guérir, bi'idnillah. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis avec les bergers, et ils buvaient l'urine et le lait du chameau, jusqu'à ce qu'ils étaient guéris. Une fois qu'ils étaient guéris, ils ont apostasié. Ils ont apostasié, et ils ont tué le berger, et ils ont pris tous les chameaux. Le Nabi alayhi salam, dès qu'il a appris cela, il a envoyé une expédition derrière eux, ils les ont attrapés tous. Ils ont ramené tout le bétail qu'ils avaient volé. Et ensuite, le Nabi alayhi salam leur a appliqué une sanction, yani à tous les 8, quand ils étaient attrapés, le Nabi alayhi salam a ordonné à ce qu'on coupe leurs mains et leurs pieds et à ce qu'on crève leur œil. Dans une version, à ce qu'on crève leur œil. Et dans une autre version, à ce qu'on mette un clou dans l'œil. À ce qu'on leur mette un clou dans l'œil. Et ensuite, ils étaient jetés sous le soleil et ils étaient laissés ainsi jusqu'à la mort. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. Et ça, c'est la sanction de ceux qui répandent la corruption sur terre. Comme Allah Azza wa Jalla dit, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. La sanction de ceux qui font la guerre à Allah et son messager, qui s'emploient à semer la corruption sur terre et d'être eux-mêmes mis à mort ou crucifiés, d'avoir les mains et les pieds coupés par croisement ou d'être bannis du pays, telle est l'infamie en ce bas monde, et ils auront dans l'autre un terrible supplice. Donc ça, c'est leur châtiment dans le dunya. Et ce qui les attend auprès d'Allah Azza wa Jalla est encore pire. Ensuite, après, comme on a vu après ce qui a touché les croyants dans la bataille de Uhud, après ce qui a touché les croyants dans la bataille de Uhud, et après ces dégâts qui ont été subis par les musulmans dans cette bataille, beaucoup de tribus arabes ont osé songer à attaquer les musulmans, et même ils se préparaient à le faire. Et parmi ces tribus-là, c'est pour ça, si vous vous rappelez, cette bataille de laquelle je vais parler maintenant, qui est la bataille de Banu al-Mustaliq. Je vous ai donné un aperçu sur cette bataille, yani après la bataille de Uhud. Et je vous avais dit qu'il y avait une divergence sur 3 avis quand est-ce que cette bataille a eu lieu. Et que l'avis juste, que cette bataille a eu lieu le 2 Sha'ban de l'année 5 de l'Hégire. Il y a des savants qui disent qu'elle a eu lieu dans l'année 6, Sha'ban l'année 6. Et d'autres disent Sha'ban l'année 7. Et pour Ibn Kathir, rahimallah, ici, il la rapporte dans l'année 6. C'est pour ça qu'il la place ici. Mais on va voir qu'il y a des contradictions. Si cette bataille a eu lieu ici, on va voir qu'il y a des contradictions et que tout ça, avec tout ce que je vous ai cité quand j'ai parlé de cette bataille, avant, tous les dalils des hommes de science, et c'est l'avis de l'imam al-Bukhari, de Ibn al-Qayyim, de Ibn Kathir, également dans d'autres livres. Et ici, peut-être qu'il l'a placé à ce moment-là, yani en suivant l'imam de la Sira, qui est Muhammad ibn Ishaq. Donc cette bataille a eu lieu le lundi 2 Sha'ban de l'année 5 de l'Hégire. Et la cause de cette bataille, c'est que la tribu de Banu al-Mustaliq, comme d'autres tribus arabes, quand ils ont vu que les musulmans ont failli être vaincus dans la bataille de Uhud et que le kuffar était à deux doigts de les exterminer, ils ont commencé à se préparer. Et parmi les tribus qui se sont préparées, la tribu de Banu al-Mustaliq. Ils se sont préparés et ils rassemblaient les hommes et les armes pour attaquer le Médina. Quand Nabi Isa sallam a entendu cela, il a envoyé Buraïda ibn al-Husayb, radiyallahu anhu, grand compagnon, pour yani, vérifier est-ce que c'est ces informations sont vraies ou c'est uniquement des rumeurs et des mensonges. Et il était vérifié, il a trouvé qu'effectivement, qu'il se préparait. Et quand il est arrivé, il a fait comme s'il était un homme arabe qui est venu pour participer avec eux dans la bataille. Il a trouvé qu'effectivement, il se préparait pour combattre les musulmans. Et il a donné l'information au prophète, alayhi salatu wassalam. Il a donné l'information au prophète, alayhi salatu wassalam. Et le Nabi, alayhi salatu wassalam, est sorti pour combattre Banu al-Mustaliq, il est sorti pour les combattre chez eux. Il est sorti avec 700 hommes et 30 chevals. Et Banu al-Mustaliq, il faisait partie des tribus qui ont entendu parler de l'islam et à qui la da'wa a été faite. Et en plus, ils ont combattu les musulmans dans la bataille de Uhud. Et c'est parmi les tribus qui ont aidé Quraysh dans la bataille de Uhud. C'est pour ça, le Nabi alayhi salatu wassalam les a attaqués sans les avertir. Ils étaient dans le rafla. Ils étaient, kanu, rafilin, dans une insouciance totale. Quand le Nabi alayhi salatu wassalam est arrivé, il les a attaqués. C'est pour ça, il a tué 10 parmi leurs combattants, les rares qui ont combattu, et la plupart ne pouvaient pas combattre, parce qu'ils n'étaient pas encore préparés à combattre. Et il a pris en prisonnier tous leurs femmes et leurs enfants, et les hommes parmi eux également. Et ce jour-là, 100 familles de Banu al-Mustaliq ont été prises comme des prisonniers de guerre. 100 familles ont été prises comme des prisonniers de guerre. Il y en a à peu près 700 personnes. Et les musulmans ont pris un grand butin ce jour-là. Ils ont pris 2000 chameaux et 5000 brebis. Et dans cette bataille sont sortis certains parmi les hypocrites. Ils ont participé avec les musulmans dans cette bataille, des hypocrites. Et ils ont fait deux choses très graves qui se rajoutent à la liste de leur complot et leur trahison des musulmans. Le premier, c'est qu'ils ont essayé de créer une dissension entre le muhajirin et l'ansar. Et le deuxième, c'est ce qui s'est fait appeler qissat al-ifk, l'histoire de cette grande calomnie dont a été victime la mère des croyants, la pure, la sainte, La chaste Aïcha radiallahu anha, Ummu Abdillah, la personne la plus aimée par notre prophète alayhi salatu wasalam. Et ainsi, ils ont cherché à accuser le prophète alayhi salatu wasalam dans son honneur et dans son épouse. Et on va voir les détails de ces deux points. Donc, le Nabi alayhi salatu wasalam a laissé comme responsable sur le Madina Abu Dharr radiallahu anhu. Et dans un deuxième avis, il a laissé Numayl ibn Abdillah al-Layfi. Et le shi'ar, yani le slogan, c'est une parole, une phrase ou une parole que le muslimine se répète pendant la bataille. Pour se motiver et pour faire peur à leurs ennemis, ils vont la répéter. Et shi'ar de cette bataille, c'était Amit Amit. Tue. Et faisait partie des prisonniers qui ont été pris dans la bataille de Banu al-Mustaliq, Jouayriya bint al-Harith ibn Abi Dirar. Jouayriya bint al-Harith ibn Abi Dirar, radiyallahu anha, qui deviendra une épouse du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la fille du maître de Banu al-Mustaliq, al-Harith ibn Dirar. Et quand ils ont réparti le butin, elle était dans la part d'un compagnon qui s'appelle Thabit ibn Qais ibn Shammas et lui a demandé une somme pour la franchir. Et elle a été voir Nabi alayhi sallam, elle lui a demandé de payer cette somme pour elle afin qu'elle devienne libre le plus rapidement possible. Elle lui a cité son statut et qu'elle était la fille de la maître, du maître de la tribu de Banu al-Mustaliq. Et Nabi alayhi sallam, effectivement, l'a aidé et il l'a affranchi, il a payé pour elle, et c'était ça, sa dot. Car il lui a demandé de l'épouser, et elle a accepté. Et subhanallah, quand son père est entré dans l'islam aussi, Al-Harith ibn Dirar, quand il est, ou avant d'entrer dans l'islam, il a demandé au prophète, alayhi salatu wasalam, de libérer sa fille. Il lui a dit, demande-lui, si elle veut que je la libère, je la libère. Et son père lui a demandé, et elle a choisi de rester avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Et par la suite, son père est devenu musulman également. Al-Harith ibn Dirar. Et subhanallah, quand les compagnons ont entendu que le Nabi alayhi salatu wassalam a épousé Jouayriya, ils ne pouvaient plus garder comme prisonnier, comme otage, yani les gens de sa tribu. Car c'est devenu comme la famille, c'est devenu la famille du prophète alayhi salatu wasalam. Et par la suite, ils ont libéré tous les prisonniers de la bataille de Banu al-Mustaliq. Tous ils étaient libérés et tous ils sont entrés dans l'islam. Tous, sans exception. Subhanallah. C'est pour ça qu'ils disent que Jouayriya radiallahu anha, comme disait Aïcha radiallahu anha, c'est la femme qui a le plus de mérite sur sa tribu. C'est la femme qui a le plus de mérite sur sa tribu, car elle a été la cause de leur libération et de leur affranchissement, et c'était la cause de leur entrée dans l'islam par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et sur le chemin retour de cette bataille, le grand ennemi d'Allah, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie, il a sorti cette grande calomnie, la calomnie à l'égard de la mère du croyant, des croyants Aïcha radiallahu anha. Et c'était une très très grande épreuve pour le Nabi alayhi salatu wasalam et pour le muslimine de manière générale. Cet incident a été quelque chose de très pénible pour le Nabi alayhi salatu wasalam et pour le muslimine de manière générale. Et avant de parler, de l'ifk, on va voir ce qui s'est passé, quand ce grand ennemi d'Allah, qui est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, quand il a essayé de créer la dissension entre les musulmans. Et l'histoire de ça, c'est que cet homme, sur le chemin de retour, il a entendu que des deux compagnons se sont insultés entre eux, un parmi l'Ansar et un parmi les Muhajirin. Un parmi l'Ansar et un parmi les Muhajirin. Et il a voulu accentuer cette dispute qui a eu lieu entre ses compagnons. Il a voulu l'accentuer sous prétexte qu'il voulait défendre celui l'Ansari. Il voulait défendre l'Ansari. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal a permis, par sa grâce et avec l'intervention, puis avec l'intervention du prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal a permis de mettre fin à ce complot de ce grand ennemi d'Allah. Il a permis de mettre fin à ce complot de ce grand ennemi d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, par rapport à l'ifk, la calomnie de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, l'histoire a commencé sur le chemin de retour. Quand les muslimines étaient sur leur chemin de retour, ils sont arrivés à un endroit où ils se sont reposés. Un endroit où ils se sont reposés. Et pendant qu'ils se reposaient, les croyants ont fait descendre l'haoudaj de Aïcha radiallahu anha. Ils ont fait descendre l'haoudaj. L'haoudaj, c'est comme une litière qui se place sur le dos du chameau pour loger une personne ou deux sur le dos du chameau. Ça s'appelle haoudaj. Donc les croyants ont fait descendre l'haoudaj dans lequel se trouvait Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha, sur le retour de cette bataille, elle devait avoir 14 ans. C'était encore une jeune fille. Elle était toute légère, comme elle disait d'elle-même, et qu'elle n'avait pas encore pris de poids. Et après le repos, quand ils ont voulu reprendre la route, Aïcha radiallahu anha est partie faire ses besoins. Elle s'est éloignée pour faire ses besoins. Et quand elle est revenue, elle a trouvé qu'elle a perdu un collier qu'elle portait et qui n'était pas à elle en plus. C'était à sa sœur Asma, radiallahu anha. Donc elle est retournée là où elle a fait ses besoins pour chercher le collier. Et pendant qu'elle était en train de chercher ce collier, les hommes, les compagnons sont venus et ils ont porté le haoudaj et ils l'ont placé sur le chameau. Et comme ils étaient à plusieurs à le porter, pour eux ils n'ont pas vu la différence entre quand Aïcha est dedans et quand elle n'est pas dedans. Donc ils ont pensé qu'elle était dedans. Et ils ont préparé les montures et ils ont repris leur route et ils sont repartis. Et comme j'ai dit, Aïcha devait avoir 14 ans, donc ils n'ont vraiment pas senti la différence. Et quand elle a trouvé son collier et elle est revenue, radiallahu anha, elle a trouvé personne à l'endroit où ils étaient arrêtés. Elle s'est assise à cet endroit. Elle s'est dit que quand ils vont sentir que je suis pas dedans, ils vont venir me chercher. Donc elle est restée à cet endroit, à les attendre. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on se doit d'apprendre aux enfants. Quand il est perdu, il commence pas à chercher, il reste à un seul endroit, à l'endroit où il a été perdu. Comme ça, on le retrouve plus facilement. C'est pour ça, radiallahu anha, elle a eu cette idée. Mais Allah Azza wa Jal a décrété autrement et il a la sagesse absolue, subhanahu wa ta'ala. Elle est restée à cet endroit pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle ait été prise par une somnolence. Elle s'est endormie et أنه سيغيبيي كون أنتندون لا فوا دو صفوان بن المعطل رضي الله عنه. صفوان بن المعطل السلمي. Elle a entendu sa voix en disant إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Il faisait tarji', il disait cette formule. Et Safwan ibn al-Mu'attal, radiyallahu anhu, il avait tardé également à rejoindre l'armée. Il est resté à l'arrière de l'armée et il s'est endormi. Il s'est endormi et subhanallah, il est rapporté de Safwan radiyallahu anhu que c'était un homme qui dormait, et quand il dormait, yani c'était un sommeil très lourd. C'est comme ça que c'est rapporté dans un hadith authentique dans Sunan Abi Dawud. Quand il dormait, son sommeil était lourd et même il est rapporté que sa tribu, ils étaient yani comme ça. Ils étaient comme ça. Et quand il a vu Aïcha dormir, il l'a reconnu parce qu'il avait déjà vu son visage avant la prescription de l'hijab, avant que l'hijab ne devienne obligatoire où la femme couvre son visage. Donc il l'a reconnu. Il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » l'épouse du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et ensuite il a rapproché d'elle son chameau et elle est montée de dessus. Et il a pris le chameau par la muselière et il l'a conduit vers le Médina. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit, je n'ai entendu de lui que cette parole. Quand il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire, il lui a pas adressé la parole. Par respect. Et par pudeur. Vis-à-vis d'elle et du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et il l'a conduit jusqu'à arriver fil Madina. Et l'armée était arrivée le midi, au moment du midi. Et quand les gens ont vu cela, que Aïcha est conduit par Safwan ibn al-Mu'attal, les hypocrites ont commencé à parler. Et Abdullah ibn Ubayy, ce grand ennemi d'Allah, avec tout ce qu'il a fait auparavant, il a profité de cet événement pour nuire à l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam. Il a commencé à faire courir un bruit comme quoi il y a eu quelque chose entre Aïcha radiallahu anha et Safwan ibn al-Mu'attal radiallahu anha. Il n'a cessé de diffuser cela et de le raconter dans les rassemblements et de propager ce mensonge jusqu'à ce que ça s'est propagé fil Madina. Et ça s'est passé, yani les choses comme c'est rapporté dans les deux authentiques, yani au sujet de cette calomnie dont a été victime Aïcha radiallahu anha. Aïcha qui a été innocentée par Allah azzawajal par au-dessus ses sept cieux de ses accusations. Allah l'a innocentée dans divers versets dans sourate Nour. Allah azzawajal a dit « Inna alladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum » ceux qui répandent la calomnie, ce sont un groupe parmi vous. Ne croyez pas que c'est un mal pour vous, mais c'est un bien pour vous. Les versets, 10 versets, dans lesquels Allah Azza wa Jal a innocenté la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Et quand Allah a révélé ces versets, et ça c'était après le retour de Bani al-Mustaliq, yani un mois après le retour de cette bataille. Donc ça veut dire que cette histoire a duré pendant un mois. Allah al-Musta'an. Et Nabi alayhi salam a ordonné à ce que ceux qui ont participé dans la diffusion de cette calomnie soient fouettés. Et ceux qui ont été fouettés parmi les croyants, 3. Parmi les croyants sincères, yani les compagnons, 3 qui ont été induits en erreur par ce grand ennemi d'Allah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui sont Misfah ibn Uthatha wa Hamna bint Jahsh, et le troisième, c'est Hassan ibn Thabit radiallahu anhu, mais l'imam ibn Kathir ne l'a pas cité. Donc Misfah ibn Uthatha et Hamna bint Jahsh. On va voir qui est Misfah. Hamna, c'est la sœur de Zaynab bint Jahsh, la mère des croyants. C'est sa sœur. Et la sœur de Abdullah ibn Jahsh, le grand compagnon. Et Hassan ibn Thabit, le poète du prophète, alayhi salatu wasalam, ce grand compagnon. Et le Nabi, alayhi salatu wasalam, est monté sur le minbar et il a fait un discours. Il a fait un discours. Il a dit, qui me suffit du mal que me font ces gens-là? Et il a cité Abdullah ibn Ubay et ses compagnons, ceux qui sont avec lui, qui répandent ces rumeurs au sujet de l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il a dit qui me suffit ces gens-là, yani un homme qui m'a fait du mal dans mon honneur et dans ma famille, et par Allah je ne connais que du bien de ma famille. Yani il parlait de Aïcha radiallahu anha. Et ils ont accusé également un compagnon duquel je ne connais que du bien, qui est Safwan ibn Mu'attal radiallahu anha. Et il n'entre chez ma famille qu'avec moi radiallahu anha. Et c'est là où il s'est levé Sa'd ibn Mu'adh. Voilà la première, comme je vous ai dit, contradiction. Parce que si on dit que cette bataille, tous les savants, ils sont unanimement d'accord que cette histoire a eu lieu dans la bataille de l'Mustalik. Mais la divergence, c'est quand a eu lieu la bataille de l'Mustalik. Donc si on dit que la bataille de l'Mustalik a eu lieu là où il a cité Ibn Kathir rahimallah, ça veut dire après Bani Qurayda. À ce moment-là, Sa'd était déjà mort, radiallahu anhu. Il était déjà tombé martyr dans la bataille des coalisés. Il est décédé juste après la bataille des Banu Qurayda, comme on a vu. Donc, comment Sa'd a assisté à cet événement? C'est il a assisté, et c'est vrai qu'il a assisté, c'est que cette bataille a eu lieu juste après Uhud. Et avant Al-Khandaq, avant la bataille des tranchées, et la bataille des Banu Qurayda, car Sa'd était encore vivant. Donc elle a eu lieu dans l'année 5 de l'Hégire, dans le mois de Sha'ban. Et ça c'est la vie juste. Wallahu a'lam. La vie juste, comme il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et donc Sa'd ibn Mu'ad s'est levé, et il a dit, ô messager d'Allah, moi je te suffis, celui qui dit du mal de toi et de ta famille. S'il est de ma tribu, Al-Aous, c'est moi qui couperai sa tête. Et s'il est de la tribu de nos frères, Al-Khazraj, alors ils doivent se charger de lui. Et l'autre Sa'd, Sa'd ibn Ubada, il s'est levé, il a dit, t'as menti. Par Allah, t'as menti. Tu ne le tueras pas. Et tu ne pourras pas le tuer. Et si c'était de ta tribu, t'aurais pas souhaité à ce qu'on le tue. Mais tu dis ça parce que tu sais que ceux qui ont fait ce mal, ils sont de ma tribu. Et c'est là où il s'est levé également Usayd ibn al-Hudayr, radiyallahu anhu. Et il a dit, par Allah, nous allons le tuer. Celui qui répond ce mal et ses calomnies au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a dit à Sa'd ibn Ubada, il lui a dit, et toi, t'es un hypocrite, tu défends les hypocrites. Et, yani, l'ambiance était comme vous pouvez l'imaginer entre les deux clans, l'Aous et le Khazraj, au point ils ont failli se battre et s'entretuer. Mais le Nabi n'a cessé de les calmer jusqu'à ce que tous les esprits se sont calmés. Et l'imam Ibn Kathir dit, c'est comme ça que c'est rapporté dans l'authentique, c'est que celui qui a dit ça, c'est Sa'd ibn Ubadah. Et il a cité les noms comme dans l'histoire que je vous ai citée. Et il a cité cette problématique que si Sa'd il a dit ça, Sa'd ibn Mu'ad, alors lui il est mort après Bani Qurayda. Comment il est resté jusqu'à Bani al-Mustaliq qui soi-disant a eu lieu dans l'année 6. Donc juste Bani al-Mustaliq a eu lieu dans l'année 5. Et également, un autre dalil qui démontre également que cette bataille a eu lieu dans l'année 5, c'est que après cette bataille de Banu Mustaliq, le hijab a été prescrit. Le voile intégral a été prescrit. Et ça, sans aucune divergence, le hijab a été prescrit dans la matinée, après le mariage du prophète alayhi sallam avec Zainab bint Jahsh. C'est pour ça que Aïcha, quand elle était questionnée au sujet de Zainab bint Jahsh, la sœur de Hamna, radiyallahu anha, qui a participé dans la diffusion de cette fausse rumeur, quand elle a été interrogée au sujet de Zainab, elle a dit, Zainab, c'est celle qui m'égalait parmi les épouses du prophète, alayhi sallam. Yani, c'est celle qui avait le même niveau que moi. Yani, parmi les meilleures des épouses du prophète, alayhi sallam. Et Zainab radiallahu anha, elle n'a pas participé dans la diffusion de cette calomnie. Et elle disait, je préserve yani, ma vue et mon oui. Yani, je me préserve de ça, je ne veux ni entendre ces histoires, ni les propager. Et le mariage du prophète alayhi sallam avec Zainab, a eu lieu dans l'année 5, dans le mois de Dhul-Qa'da. C'est-à-dire après Bani Qurayda, que le Nabi a épousé Zainab radiallahu anha. Et donc c'est ainsi que cette histoire a eu fin avec la révélation de ces versets. Mais pendant cette période, c'était une période très très pénible pour Aïcha radiallahu anha, un mois entier dans lequel elle n'a pas goûté le sommeil un seul instant. Un mois entier dans lequel elle n'a pas cessé de pleurer. Et elle espérait qu'Allah révèle des versets pour l'innocenté, mais elle pensait qu'elle n'avait pas un mérite pour qu'Allah révèle des versets à son sujet. Effectivement, Allah Azza wa Jal a révélé des versets dans lesquels il a innocenté la mère des croyants et il a dévoilé les hypocrites et les menteurs. Et ensuite, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a appliqué la sentence sur ceux qui ont participé dans la calomnie. Et bien évidemment, Abdullah ibn Ubayy et d'autres hypocrites, ça leur a pas été appliqué. Parce que ces hommes, quand ils répondaient, il ne laissait pas de traces, contrairement à ces croyants sincères qui sont pourtant tombés dans cette erreur. Ceux-là, eux, ils croyaient que c'était vrai et ils étaient induits en erreur. C'est pour ça que ça a été appliqué qu'à ces trois croyants sincères, Mistah, Hamna et Hassan ibn Thabit. Et Nabi Isa salam les a fouettés 80 fouets. Il a ordonné à ce qu'on les fouette. À ce qu'on leur donne 80 fouets. Et donc il y a d'autres fawaïd bi'idnillah, nous allons les voir dans le cours prochain bi'idnillah concernant ces deux histoires. Avant de parler de le pacte de l'Hudaybiya, ce grand pacte qui va avoir lieu à cet endroit qui s'appelle l'Hudaybiya dans l'année 6 de l'Hégire, quand Nabi Issa est sorti pour accomplir l'Umrah et qu'il a été empêché par Kuffar Quraysh et ils ont signé avec lui un pacte qui s'est fait appeler le pacte de l'Hudaybiyah par rapport au, à l'endroit dans lequel il s'est passé. Et ils lui ont dit que l'Umra, tu ne pourras pas la faire cette année, mais l'année prochaine. Et on va voir les bienfaits de ce pacte qui a été vu pourtant par Umar ibn al-Khattab au début comme une humiliation pour les croyants. Les croyants, maintenant, ils sont devenus forts, ils sont prêts à combattre. Ils ne veulent que ça. Et malgré ça, le Nabi alayhi salam, il va faire un pacte yani, dans lequel Omar radiallahu anhu a vu comme une certaine humiliation pour les croyants, mais en réalité, c'était le grand triomphe pour les croyants. Et Omar, bien évidemment, radiallahu anhu, a regretté cette chose-là et il n'a cessé de faire des bonnes actions jusqu'à la fin de sa vie par rapport à ce qu'il a pensé ce jour-là. Voilà pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته